Je suis un homme de principe qui a choisi ses points au port d'armes. Un château de cartes construit un soir de tornade. Je ne connais que la méfiance et le qui-vive. Je suis en quête d'une miséricorde divine. Et dans mon crâne, d'étranges voix retentissent et me persuadent que je suis pas prêt à me repentir. Tel que nous sommes, nous arriverons tous au terminus. Je veux la paix avant de vivre mes dernières minutes. C'est notre propre code que l'on transgresse. Ne te méprends pas, ma musique est vengeresse. J'écrirai même avec les mains remplies d'arthrite. Je suis une âme grise qui revendique son libre arbitre. Le salut n'existe que dans les dictionnaires. C'est une légende comme l'amour inconditionnel. À savoir que les traîtres se comptent par douzaines. En ce bas monde où personne ne vous prend comme vous êtes. On est aux portes du brasier comme Cerbère. Et on vit pour marcher vers une mort certaine. Il semblerait que Dieu nous ait surestimés. Nous avons nié ce à quoi nous étions destinés. On est aux portes du brasier comme Cerbère. Et on vit pour marcher vers une mort certaine. Il semblerait que Dieu nous ait surestimés. Nous avons nié ce à quoi nous étions destinés. Je sais ce que la vie nous offre. Ouais, tu vois la mort au début. Non, non, laisse tomber. Je crois que c'est la bonne là. Je sais ce que la vie nous offre et de quoi la mort nous prive. Je n'ai pas peur de disparaître dans l'oubli. J'attendrai que mes spectres se montrent tous. Et crois-moi, je préfère ne pas m'en contrefoutre. Il est grand temps qu'un frère m'apprenne à prier. Venir au monde, c'est être en guerre contre un sablier. Et je n'ai d'autre choix que de survivre. Je n'arrive à m'accomplir que dans la chute libre. C'est la même chose que je lis sur toutes ces lèvres. Qui seront ceux qui remarqueront mon absence? Du napalm a enflammé la voûte céleste. Et personne ne peut renaître d'un tas de cendres. Dans le néant, comme un cadavre sans tombe. Cette douleur est telle que nous la chantons. Nous n'avons pas su combattre cette inertie. Il faut du sang pour que la plèbe se divertisse. On est aux portes du brasier comme Cerbère. Et on vit pour marcher vers une mort certaine. Il semblerait que Dieu nous ait surestimés. Nous avons nié ce à quoi nous étions destinés. On est aux portes du brasier comme Cerbère. Et on vit pour marcher vers une mort certaine. Il semblerait que Dieu nous ait surestimés. Nous avons nié ce à quoi nous étions destinés.